s'effondrer ensemble vers l'éco-liberté. Par Jem Bendel. Conclusion. Prendre la pilule verte à l'ère de l'effondrement. Notre tâche, et la tâche de toute éducation, est de comprendre le monde actuel, le monde dans lequel nous vivons et faisons nos choix. Une citation de Ernest Friedrich Schumacher. Le livre que vous tenez entre les mains a été publié 50 ans après que F. Schumacher a déjà tout dit. En effet, dans son livre « Small is Beautiful » de 1973, il explique comment nous devons nous entraider pour nous réapproprier nos vies et nos communautés face à une machine économique expansionniste, destructrice de la planète et qui sert les intérêts des élites. Étant donné que son livre est aussi vieux que moi, je me sens un peu idiot d'avoir mis tant de temps à retrouver le chemin de sa sagesse et de ses suggestions quant à ce que nous devrions faire. Comme je l'ai expliqué dans l'introduction, en commençant à travailler dans le domaine de l'environnement au début des années 1990, j'ai été séduit par des histoires de pragmatisme, de stratégie, d'innovation et de modernité. Il était hors de question pour moi de ressembler à ces hippies inefficaces des années 60 et 70. Malheureusement, une fois arrivé dans les années 2020, nous pouvons constater où ce pragmatisme, entre guillemets, nous a menés. Les leaders écologistes de ma génération nous ont éloignés des vérités originelles de la conscience environnementale et nous ont entraînés dans les fictions et les agressions d'une nouvelle hystérie techno-salvatrice. Cette anxiété est compréhensible. Aujourd'hui, il n'est plus possible de résoudre tous les problèmes et nous devons nous confronter à une situation inextricable face à laquelle on ne peut que chercher à atteindre des résultats un peu moins mauvais que d'autres. Et ce, sans la moindre certitude d'y parvenir. Mais comme je l'ai expliqué dans la seconde moitié de ce livre, cette anxiété ne peut ni justifier ni excuser un manque de sagesse, de compassion ou de créativité dans cette nouvelle ère d'effondrement. L'un des principaux apports de ce livre aux idées de Schumacher est peut-être un examen plus approfondi de la nature des systèmes monétaires et de la manière dont ils alimentent la nature expansionniste de nos systèmes économiques qui sont à l'origine du consumérisme et du malaise culturel qui en découle. J'ai également examiné de plus près l'existence de la liberté dans la nature, la façon dont les sociétés anciennes vivaient dans une relation beaucoup moins destructrice avec cette dernière, ainsi que la façon dont le langage et la culture nous manipulent tous et toutes aujourd'hui. Mais surtout, pour nous aider à comprendre le monde actuel et à faire des choix plus judicieux, ce livre a introduit la double hypothèse résumée dans le titre de cet ouvrage, Breaking Together, s'effondrer ensemble. La première partie de cette hypothèse est que les fissures qui apparaissent à la surface de la plupart des sociétés modernes dans le monde depuis 2016 sont les symptômes d'une fracture généralisée dans les fondations de ces sociétés. Une fracture qui ne peut pas être supprimée. Étant donné que ces fondations se brisent toutes ensemble et s'écroulent en cascade, peu d'entre elles, voire aucune, ne sont réparables. Par le passé, certaines sociétés ont été terriblement perturbées par des phénomènes naturels et ou par la violence politique. Mais selon cette hypothèse, même si la plupart des sociétés modernes continuent à fonctionner en surface, elles en sont déjà au premier stade de leur effondrement. Pour parvenir à cette conclusion, j'ai travaillé avec une équipe interdisciplinaire afin d'intégrer des données et des idées provenant de nombreux champs de recherche, dans les domaines des sciences, des arts, des lettres, de la politique et de l'économie. Les arguments présentés dans la première moitié de ce livre pourraient être considérés comme une simple observation de données plutôt que comme une théorie ou une opinion. Certaines et certains scientifiques affirmeront peut-être que mon analyse est erronée et que je me trompe dans mon identification de l'effondrement sociétal en cours. Je les inviterai alors à présenter publiquement des données montrant une baisse constante et pluriannuelle des émissions de gaz à effet de serre, combinées à une baisse des concentrations de gaz à effet de serre dans notre atmosphère, à la baisse des pertes de biodiversité et à la baisse de l'acidification des océans. Je les inviterai aussi à nous présenter des données indiquant une amélioration, elle aussi constante et pluriannuelle, des indicateurs de développement humain dans une majorité de pays. Même sans cela, ces personnes pourraient rétorquer que les sociétés modernes ne peuvent pas être en train de s'effondrer parce que, je cite, « les distributeurs de billets fonctionnent encore, la télévision s'allume et les supermarchés sont encore ouverts ». Fin de citation. Mais en tant que chercheurs, chercheuses, nous ne devons pas nous contenter d'observer la surface de systèmes qui, selon l'analyse scientifique, sont déjà en train de se désagréger. La plupart des hauts et hautes fonctionnaires ne connaissent pas les preuves que j'ai résumées dans ce livre et répètent généralement les mêmes idées reçues qui empêchent de traiter le sujet correctement. Ces idées reçues sont les suivantes. Elles découlent toutes de présupposés profondément ancrés en nous par ce que j'appelle la modernité impériale. Citation d'idées reçues. Rien n'est certain. Les scientifiques sont indécis, indécises. La technologie est extraordinaire. Les jeunes vont tout changer. Il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas saper l'engagement des gens. Il ne faut pas créer une prophétie autoréalisatrice. Il ne faut pas risquer l'anarchie. Il faut avoir plus de foi en l'humanité ou plus de foi en Dieu. Dans ce livre, j'ai montré combien chacun de ces présupposés est stupide et nous entrave. Pour résumer les choses grossièrement, je répondrai à ces affirmations de la manière suivante. Nous savons certainement ce qui est déjà en train de se passer. Les scientifiques ne sont pas formés pour tenir compte des éléments extérieurs à leur spécialité. La technologie ne peut pas remédier à l'effondrement de plusieurs systèmes. Les adolescents, adolescentes qui manifestent se transforment souvent en vendeurs, vendeuses de produits pour les entreprises vertes. Notre passion de justice se libère lorsqu'on reconnaît le caractère pleinement destructeur des élites. Critiquer les réalistes parce qu'ils et elles ont raison est évidemment absurde. L'autogouvernance volontaire sera meilleure que d'être constamment contrôlée et manipulée. Et du fait de notre foi en l'humanité et le divin, nous pouvons avoir confiance en notre liberté de prendre soin les uns les unes des autres et de la nature, une fois libérés des valets lâches et narcissiques de la modernité impériale. Voilà ce que je répondrai, tout simplement. La deuxième partie de l'hypothèse « Breaking Together » est qu'en acceptant d'être entrés dans une ère d'effondrement, nous pouvons examiner les causes profondes de ce problème insoluble tout en explorant des changements personnels et sociaux positifs. Et cela, afin de nous effondrer ensemble et non séparément. Dans ce livre, j'ai présenté mon point de vue sur les causes de cette situation difficile et j'ai partagé avec vous ce qui me semble constituer des réponses inutiles ou, au contraire, admirables. L'un de mes principaux arguments est celui-ci. Parce que nos systèmes monétaires et économiques ont manipulé l'humanité au point de détruire notre maison planétaire, la liberté et la solidarité doivent former la base qui nous permettra de naviguer dans un avenir très difficile. Parce que je m'appuie sur la méthode scientifique et ses résultats dans l'analyse interdisciplinaire intégrative qui structure la première moitié de ce livre, il devrait être clair que je ne rejette pas entièrement la modernité. En revanche, je condamne la modernité impériale expansionniste et son nouveau rejeton, la surmodernité. Ce dernier phénomène n'est en fait pas très moderne du tout. C'est plutôt une perspective superficielle et déformée, née des confusions, entraînée par la défense de la vision du monde et la panique des élites, comme nous l'avons vu dans les chapitres 7 et 8. L'analyse de ce livre implique que nous n'allons pas nous sortir de tout cela. Par « nous », j'entends la plupart de celles et ceux qui lisent ce livre et la plupart des personnes que nous connaissons. Par cela, j'entends l'effondrement de la vie telle que nous la connaissons. Je m'en trouve accablé, même aujourd'hui, quelques années après que j'en suis arrivé à cette conclusion. Mais cette conscience peut aussi nous inciter à vivre le reste de notre vie avec une passion renouvelée. La question reste de savoir comment parler de ce sujet sans s'épuiser. Un ami qui ne s'intéresse pas à ces questions m'a demandé de résumer mon point de vue en quelques phrases. Un pitch d'ascenseur pour la fin des temps, en quelque sorte. Relevant le défi, je lui ai dit « L'humanité est vraiment dans la merde. Alors ralentissons, aidons-nous les uns les unes les autres, soyons plus gentils avec les animaux et la nature, défendons la liberté, cultivons de la nourriture, jouons plus, soyons ouverts et ouvertes à ce qui pourrait nous aider, et pardonnons-nous à nous-mêmes. » Mon ami m'a demandé ce que nous devions pardonner. Je lui ai expliqué que, lorsque nous découvrons l'ampleur de la destruction qui est en cours, nous avons beaucoup à pardonner, à nous-mêmes et au reste de l'humanité. Si nous ne sommes pas ouvertes à cela, nous continuerons à nous détourner des nombreuses façons dont nous sommes partie prenante dans les oppressions en cours. Mon ami a trouvé ce point de vue un peu sombre. « Mais les choses sont à la fois plus sombres et plus belles que tout cela », ai-je répondu. Puis j'ai réalisé qu'il n'était pas si facile de résumer cette désolation ou cette beauté en une phrase. La situation est sombre, car les réactions des élites face aux difficultés et aux perturbations croissantes, ainsi que celles des personnes qui veulent simplement se conformer à ce qu'on leur dit de faire, vont rendre les choses beaucoup plus difficiles, voire effrayantes, ai-je déclaré. J'ai expliqué que les réactions fondées sur la peur peuvent émerger de tous les camps politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, des verts ou des rebelles. Parce que l'effondrement de nos systèmes menace ces vieux récits qui structurent notre estime de soi et notre sentiment de sécurité, certains et certaines d'entre nous peuvent s'accrocher d'autant plus fort à ces récits, de manière illogique et même violente. Par conséquent, nous nous trouvons empêchés de repenser à ce qui importe le plus dans cette nouvelle situation et de ressentir tout cela de manière renouvelée. J'ai expliqué à mon ami que les leaders d'opinion à droite de l'échiquier politique ne semblent pas vraiment dévoués à la liberté, car cela impliquerait de remettre en question les relations de pouvoir qui ont façonné leurs présupposés et leurs croyances. Cela les mènerait également à remettre en question les excès du capitalisme en général, plutôt que les pratiques spécifiques de certaines entreprises peu en phase avec leurs bêtes noires du moment. Et si ces personnes avaient un tel attachement à la liberté, elles n'auraient pas non plus l'impulsion socialement conservatrice de s'immiscer dans nos vies personnelles. Cependant, ai-je continué, de nombreuses leaders écologistes soi-disant de gauche dans le monde occidental ne sont pas cohérents et cohérentes avec leurs idéaux, car si c'était le cas, ils et elles ne seraient pas des réformistes en quête de solutions technologiques. En effet, au cours des premières années de la pandémie, nombre d'entre elles et eux ont fait preuve d'une obéissance sans faille aux programmes servant les intérêts des grandes sociétés pharmaceutiques, preuve de leur incapacité à remettre en question les systèmes dominants qui nous manipulent et s'approprient notre pouvoir. Il s'agissait pourtant là d'un premier épisode de perturbation sociétale généralisée. Les errements de cette vieille garde, entre guillemets, écologiste, démontrent tristement à quel point on doit cesser de compter sur elle dans cette nouvelle ère d'effondrement. Poursuivant ma diatribe plutôt grincheuse avec mon ami, j'ai expliqué que les professionnels de l'environnement évitaient les vérités gênantes et qu'ils et elles s'emportaient facilement lorsqu'on leur exposait des faits élémentaires. Par exemple, nous ne pouvons pas décarboner l'économie et la société à temps pour éviter des changements catastrophiques. Chapitre 5. ni le faire sans cruellement endommager la nature sauvage. Chapitre 3. Et nous ne pouvons pas décarboner sans provoquer des perturbations sociétales massives, y compris de la malnutrition et des conflits, à moins qu'un énorme changement dans les systèmes économiques et politiques ne se produise et n'entraîne une redistribution massive d'un type qui ne s'est jamais produit qu'à la suite de révolutions politiques. Chapitre 1, 2 et 3. En outre, se cantonner à décarboner l'économie pourrait ne pas s'avérer d'une grande aide pour la stabilité du climat si nous ne régénérons pas la nature dans le même temps, ce qui, pour se produire à grande échelle, nécessiterait un modèle économique entièrement différent. Malheureusement, il semblerait que des scientifiques obsédés par le carbone nous aient induits et induites en erreur. En ne parlant que du CO2, ils et elles ont minimisé l'importance de la déforestation en tant que l'une des causes du changement climatique, tout en ignorant que le CO2 a créé un risque terrible d'amplification catastrophique et imprévisible du réchauffement. Ils et elles se sont appuyés sur l'image d'un thermostat pour évoquer les niveaux de CO2, ce qui leur a permis de dépeindre notre situation comme un problème technique, plutôt que comme une question de transformation profonde de nos sociétés. Chapitre 5. La plupart des professionnels de l'environnement que je connais ne veulent même pas envisager que de nombreux impacts échappent déjà à notre contrôle, bien que les niveaux de dommages restent incertains. Par exemple, en ce qui concerne les impacts des produits chimiques éternels, des microplastiques, de l'acidification des océans et des futures maladies zoonotiques. Nombre d'entre elles et eux rejettent également toute anticipation d'un effondrement sociétal, au lieu de considérer sobrement les preuves montrant que ce dernier a déjà commencé. Chapitre 7. Il se pourrait que cette réalité continue d'être niée par les institutions dominantes et autres analystes à grande audience, jusqu'à ce que ces personnes aient mis en place des systèmes pour nous imposer leurs explications et leurs réponses. Chapitre 13. Mon ami n'était pas le seul à me dire qu'il pensait que les écologistes avaient l'air de vouloir contrôler sa vie. J'ai convenu que la plupart des écologistes occidentaux, occidentales d'aujourd'hui, ne mettent pas l'accent sur la souveraineté personnelle dans leurs discours, parce qu'ils et elles assimilent la liberté personnelle à un manque de compassion ou à de l'inaction environnementale. Ce faisant, ils et elles supposent à tort que nous sommes ou avons été libres. Le risque est d'ignorer que nous avons grandi et que nous vivons dans des sociétés où nous sommes manipulés par des systèmes de pouvoir, de sorte que nous percevons la vie comme se caractérisant par un état de manque, de danger et de concurrence, ce qui a conduit à un individualisme pervers. Pour comprendre la vraie nature d'un zèbre, il ne faut pas l'étudier dans un zoo. De la même manière, il ne faut pas prendre la nature humaine pour ce qu'elle semble être dans le zoo de la vie moderne. En ignorant cela et en diabolisant la liberté, le courant dominant de l'environnementaliste occidental risque de faire le jeu des élites. Car cela revient à suggérer que ce dont nous avons besoin, c'est qu'on nous impose de plus en plus de leurs idées brillantes. Il serait utile que davantage de personnes en Occident cessent de considérer la liberté et la souveraineté personnelle uniquement dans les contextes du consumérisme ou des politiques de droite. Ce n'est pas le cas dans les pays ayant connu des luttes de libération plus récentes. Dans ces pays, on comprend plus facilement la liberté comme un effort collectif contre l'oppression et l'exploitation. Lorsque j'ai ce genre de conversation, je me rends compte que ma critique intello et psychosociale de la réponse du mouvement environnemental à notre situation écologique insoluble peut sembler très compliquée. Les connaissances de mon ami sur ces sujets sont aujourd'hui principalement alimentées par des vidéos sur YouTube, qu'elles proviennent de grands médias ou de chaînes alternatives. Au vu de ces contenus, il me semble qu'on assiste généralement à une joute entre centristes autoritaires, d'une part, et une droite nostalgique, d'autre part. Chacun de ces deux camps s'accroche à ses visions du monde et à ses identités. De ce fait, il ne s'agit que d'un championnat superficiel opposant la panique des élites à la contre-panique des élites. En tant que spectateur-spectatrice, cette situation ne nous laisse que le rôle simplet de supporter-supportrice de l'un ou l'autre camp élitiste. La stupidité des conversations qui en résultent est encore aggravée par le rôle des agences de relations publiques et d'autres acteurs qui mettent en scène ou promeuvent des récits de porno complotistes pour fracturer toute opposition réelle aux intérêts des entreprises. Qu'il s'agisse de récits comme « pas d'avion le 11 septembre » ou bien « des nanorobots dans les vaccins », les adeptes du porno complotiste sont instrumentalisés par les personnes d'où proviennent ces idées. Cela leur permet de détourner notre attention et de délégitimer des luttes contre le pouvoir en place, fondées sur des faits concrets. Si cela fonctionne, c'est parce que de nombreuses personnes qui remettent en question les institutions dominantes peuvent être séduites par ces invitations à se sentir moralement supérieures. Cela en devient littéralement une forme de divertissement. Plutôt que de se voir rappeler la nécessité d'une solidarité active et à long terme avec les gens ordinaires. Se sentir outragé pendant quelques minutes, jusqu'au prochain épisode de Porno Complotiste, est aussi un moyen d'éviter les émotions difficiles face à des situations troublantes. Cependant, j'ai beau avertir d'autres personnes qu'elles pourraient être des victimes consentantes du porno complotiste parce qu'elles ne peuvent pas vraiment se donner la peine de faire quoi que ce soit pour lutter contre les maux du monde, je dois avouer que cela ne m'a pas valu beaucoup de sourires jusqu'à présent. En l'occurrence, mon ami m'a demandé de faire une pause dans mon exposé sur les innombrables dimensions du désordre nauséabond de notre époque et de lui parler plutôt de la beauté que je mentionnais aussi. Où la trouver en cette ère d'effondrement? Plutôt que de décrire les nombreuses personnes qui ont changé leur vie positivement suite à leur prise de conscience de la situation, j'ai constaté qu'il pouvait être utile d'adopter une attitude un peu plus philosophique. Je vais donc vous amener faire un détour par la mythologie grecque, ce qui permettra également d'expliquer la couverture de ce livre. Atlas agressé. La question de l'effondrement des sociétés de consommation industrielle n'est pas seulement extrêmement gênante pour celles et ceux d'entre nous qui profitent de ces commodités, mais elle est aussi profondément complexe d'un point de vue philosophique et spirituel. Après quelques années de rumination sur les aspects de notre culture qui se trouvent impliqués dans cette situation tragique, je suis tombée sur le paradoxe de désirer que notre individualité soit reconnue, tout en souhaitant avoir une action altruiste. La mythologie grecque, et en particulier le personnage du titan Atlas, nous offre une possibilité d'explorer ce paradoxe. L'image qui figure sur la couverture de ce livre est une adaptation de la plus ancienne statue d'Atlas dont on a connaissance. Cet Atlas farnèse, datant du IIe siècle avant l'ère chrétienne, le représente s'efforçant de soulever une sphère. À l'époque contemporaine, on a généralement interprété cette dernière comme représentant la planète Terre. Ce malentendu a peut-être commencé en 1585, lorsque le cartographe flamand Gerardus Mercator a utilisé le mot « atlas » pour décrire sa collection de cartes du monde. Sur la couverture intérieure de son livre, il y avait un dessin d'Atlas, ne portant plus la sphère sur ses épaules, mais la cartographiant entre ses mains. Dans son célèbre livre, Atlas Shrugged, Ayn Rand semble avoir perpétué l'interprétation erronée de cette sphère comme représentant notre planète, et l'a donc utilisée pour symboliser les problèmes du monde, pesant sur les épaules de personnes par ailleurs fortes et libres. Selon certains sondages, le roman Atlas Shrugged, littéralement Atlas haussa les épaules, publié en 1957, serait l'un des livres ayant marqué le plus profondément la culture contemporaine des États-Unis. L'intrigue envisage ce que deviendrait le monde si les personnes qui le font avancer et que l'autrice identifie comme une minorité d'hommes de l'esprit venaient soudain à se retirer d'une société dominée par un gouvernement devenu trop contraignant. Le roman a été publié en français pour la première fois en 2011, édition Les Belles Lettres, Fondation Andrew Lessman, sous le titre La Grève. Toutes les versions du mythe de l'époque où fut créée la statue de l'Atlas Farnèse racontent que ce titan, maudit par Zeus, se voit contraint de maintenir les cieux au-dessus de la terre. L'utilisation du mythe d'Atlas par Rand a donc été critiquée comme étant symboliquement confuse. Le classiciste Charles Segal a exploré les nombreuses interprétations du mythe d'Atlas qui commence par reconnaître que ce sont les cieux qu'il tient en l'air et non la terre ou l'humanité. Selon ces explications, on a généralement analysé la figure du titan comme représentant la façon dont les humains s'efforcent d'atteindre des objectifs, se sentent responsables de certaines situations et s'inquiètent du caractère inévitable de la perte et de la mort. Il peut être révélateur de réfléchir un peu plus à la signification potentielle de ce mythe et aux malentendus si répandus à son sujet. Nous pouvons commencer par reconnaître que certains dieux grecs, comme Zeus, représentaient des forces supérieures à l'être humain, tandis que d'autres dieux reflétaient des « idéotypes » entre guillemets, ou des aspects de la nature humaine. Le terme « idéal type » proposé par le sociologue Max Weber 1864-1920, se réfère à une catégorie permettant d'identifier un certain sujet ou phénomène, sans pour autant que toutes les caractéristiques du type observé se retrouvent toujours entièrement présentes dans ce sujet ou phénomène. Zeus est le dieu du soleil, qui représente la source essentielle de toute vie. Par conséquent, tout ce qui se passe dans le monde doit émaner de Zeus. Cela signifie que tout ce qui est important dans la condition humaine peut être compris comme provenant d'un choix de Zeus. Comme nous, les Grecs savaient que les cieux existaient déjà au-dessus de la terre avant qu'ils aient besoin, entre guillemets, d'être soutenus par les qualités humaines qu'Atlas représentait, c'est-à-dire la force et la responsabilité. Ainsi, si Zeus a maudit Atlas, c'est en lui donnant l'idée qu'il lui fallait maintenir les cieux en l'air pour éviter qu'il ne s'écrase et ne tue ainsi sa famille et l'ensemble de la création. Ce mythe pourrait-il montrer que les Grecs anciens ont reconnu qu'à un moment donné, nous, les êtres humains, sommes passés de l'idée que tout existe sans aucun effort de notre part à l'idée que nous devons faire des efforts, ou qu'un titan doit faire des efforts en notre nom pour que la vie continue. Se pourrait-il qu'ils aient perçu comme une malédiction, dès leur époque, cette tendance à considérer les humains comme jouant un rôle central vis-à-vis du destin de l'univers? Se pourrait-il que ce mythe ait été conçu pour nous rappeler qu'une grande partie de la nature existe sans nous, ni nos efforts? En ce qui me concerne, j'ai choisi de considérer le mythe d'Atlas de cette manière. J'y vois donc un rappel des avantages et des inconvénients qu'impliquent notre ego, nos compétences et notre capacité aux soins. Nous pouvons souffrir lorsque nous nous voyons comme jouant un rôle central dans l'histoire de l'univers. Aujourd'hui, nous devons faire face à certaines des conséquences de ce présupposé. C'est pourquoi certaines, considèrent que le concept de la centralité et du pouvoir de l'être humain est en train de s'effriter face à la crise écologique. Ils et elles reconnaissent que les structures idéologiques de la modernité, qui façonnent notre identité en tant qu'individu et société, sont en cours d'effondrement. Comme vous le savez depuis le chapitre 7, je partage ce point de vue. Cependant, je considère que le problème réside dans la forme de modernité qui a été alimentée par le pouvoir monétaire. une forme extractive, dominatrice, et en expansion de la modernité impériale, chapitre 10, ainsi que sa manifestation confuse qui se manifeste de nos jours, la surmodernité, chapitre 13. Il serait impossible et dommageable de chercher à totalement renier le sentiment de notre propre centralité, de notre pouvoir et de notre aptitude à prendre soin des autres. Au contraire, nous pouvons reconnaître comment, au cours des siècles, cette impulsion a été contrainte et orientée pour servir les intérêts égoïstes du pouvoir de l'argent. Ces forces fondamentales de la nature humaine ayant été accaparées par le pouvoir de l'argent, l'histoire de la modernité est l'histoire d'un atlas agressé. Certains observateurs et certaines observatrices qui se penchent sur la situation du monde à l'heure actuelle doutent de la pertinence de telles critiques. Ces personnes considèrent que si nous n'essayons pas de prendre soin du monde dans sa globalité et de manière urgente, alors les cieux s'effondreront bel et bien, et l'humanité souffrira énormément tout comme le reste de la vie sur Terre. Quant à moi, je fais partie de celles et ceux craignant qu'une telle perspective ne favorise des pistes d'action présentant un risque élevé, comme certaines formes de géo-ingénierie, et d'autres qui sont abusives, comme l'éco-autoritarisme. C'est pourquoi, en cette ère d'effondrement sociétal, certains et certaines d'entre nous souhaitent voir s'écrouler le récit tout entier de la centralité et du pouvoir de l'humanité, ainsi que celui de notre capacité à prendre soin. Mais je pense que le mythe d'Atlas nous suggère, utilement, que ces aspects de la nature humaine ne peuvent pas disparaître. Ils constituent plutôt un paradoxe insoluble de la nature humaine. Le défi consiste à mieux modérer et canaliser ces aspects présents en chacun et chacune de nous. Ces aspects de la nature humaine mis en évidence par le mythe d'Atlas sont en train de se fracturer. Sous l'influence du pouvoir de l'argent, les cieux en viennent à s'écrouler sur l'humanité et la terre. Si nous ne nous libérons pas du pouvoir de l'argent, cette fracture ne cessera de s'aggraver avec des conséquences terribles. En réponse, nous pouvons chercher à réparer cet aspect paradoxal de la nature humaine, composé d'un mélange de centralité, de compétences et d'aptitude aux soins. Comme je réfléchissais à l'image de cette vieille statue de l'Atlas Farnèse, j'ai senti que cette dernière s'effondrait sous le poids de ses histoires. Doit-on la laisser se réduire en poussière? Ou pourrait-elle être sauvegardée sous une nouvelle forme? J'ai alors pensé à la pratique japonaise du kintsugi. Elle consiste à recoller des objets brisés, comme un bol en céramique, parce qu'on les a si profondément aimés, souvent en raison de leur valeur sentimentale. Par la suite, ces choses ne pourront pas être réutilisées pour leur usage antérieur. On en fera plutôt des objets d'admiration, de souvenirs et de réflexion. C'est pourquoi, dans cette pratique, on utilise de la poudre d'or pour recoller les objets d'une belle manière. Ce n'est qu'en reconnaissant que la centralité, les compétences et l'aptitude aux soins caractérisant l'humanité sont en train de se fracturer en raison des pressions déformantes du pouvoir de l'argent que nous pourrons ramener ces aspects à l'équilibre avec le monde naturel. L'Atlas Kintsugi, qui figure sur la couverture de ce livre, est un objet imaginé et mythique. Il nous rappelle que nous pouvons apprécier les capacités humaines, la compassion et le courage comme des aspects importants de notre condition, mais admettre que ces aspects ont été manipulés d'une manière qui nous brise et qui brise le monde naturel. En réparant ces aspects de la condition humaine, pour qu'ils ne soient plus de simples compulsions qui nous dominent, nous pouvons également réparer notre relation avec le reste de la réalité, y compris nos sociétés, le monde naturel et le divin. Y a-t-il vraiment une beauté dans l'effondrement ? Bien que de nombreuses personnes se divisent en factions bien pensantes, beaucoup d'autres se sont effondrées ensemble, en laissant notre situation bouleversante briser leurs vieilles habitudes. De la sorte, elles sont devenues plus ouvertes d'esprit et de cœur dans leur façon de vivre, y compris dans leurs relations avec les autres. En conséquence, elles ont radicalement changé leur vie pour donner la priorité à leur créativité et aux contributions qu'elles peuvent apporter à la société. Elles se préoccupent moins de leur carrière, de leur sécurité financière ou de suivre la dernière tendance. Elles aident les personnes dans le besoin, cultivent de la nourriture, jouent de la musique, s'organisent pour tenter d'impulser des changements et explorent des voies spirituelles. Cela se produit parce qu'elles ont rejeté la vision de la réalité que nous présentent les institutions dominantes. Et alors que les problèmes sociétaux ne cessent de s'aggraver, elles n'attendent plus des solutions de celles et ceux qui servent ces institutions. Après des décennies de cupidité, d'hypocrisie, de mensonges, de corruption et de politiques stupides, elles n'attendent plus que des élites viennent au secours de la planète. Abandonner leur faux espoir d'être sauvés leur permet de surmonter leur chagrin et de recommencer à vivre de manière créative, en prenant conscience que chaque jour est un don de l'univers. Cela ne signifie pas qu'elles n'ont pas de chagrin, d'inquiétude, de tristesse ou de colère, mais, à tout le moins, leurs sentiments d'émerveillement et de gratitude à l'égard de la vie ne sont pas immédiatement accompagnés par ces autres émotions difficiles, et ces dernières ne prennent pas le dessus dans leur existence. Au contraire, elles vivent leur vie plus pleinement et en intégrité avec leurs valeurs. C'est précisément parce que ces personnes considèrent que les sociétés modernes sont en train de se désintégrer qu'elles vivent plus librement. Elles n'ont besoin ni d'un bunker souterrain, ni d'un conte de fées annonçant des lendemains meilleurs, car elles vivent dès aujourd'hui pour la vérité, l'amour et la beauté. Qui sont ces personnes? Je les appelle les effondristes. Je suis l'une d'entre elles. Peut-être l'êtes-vous aussi. Si c'est le cas, bienvenue. Il existe de nombreuses façons de vivre différemment à partir de maintenant, comme nous l'avons vu au chapitre 12. Tout changement dans notre mode de vie ne doit pas nécessairement se produire d'un seul coup. Dans mon cas, je pense que j'ai encaissé de tels coups émotionnels que je me suis retrouvée étalée sur le sol du ring et qu'il m'a fallu des années pour me remettre debout. L'éthique générale de l'adaptation radicale et les formes de dialogue auxquelles ce concept fait référence ont été déterminantes pour moi. Je recommande donc toujours aux gens de s'engager dans des réseaux qui utilisent ce cadre pour établir un soutien mutuel. Mais quelques années plus tard, j'en suis arrivée à une orientation beaucoup moins introspective. C'est une certitude. Nous ne pouvons pas attendre que la tempête passe ou chercher à la contourner. Nous devons apprendre à danser sous la pluie. Cette danse ne doit pas devenir une rêve partie. La culture moderne nous incite à admirer les largesses et à exprimer de grandes ambitions pour changer le monde. Au lieu de cela, nous pouvons nous réapproprier notre liberté d'être petits et petites dans nos désirs d'impact, dans nos communautés et nos environnements locaux. Malheureusement, des menaces pèsent sur notre capacité à danser nos propres petits pas de liberté et de contribution au bien public. L'éco-autoritarisme est en plein essor. Certaines fonctionnaires des institutions dominantes et autres arrivistes détestent les effondristes au point de nous calomnier, de nous censurer et même d'essayer de nous criminaliser. Chapitre 13. Il est inné dans la nature humaine de ne pas vouloir être tyrannisé par des élites égoïstes et leurs valets. Il est tout aussi inné d'être attentif et attentive aux questions environnementales et aux besoins des uns et des autres avant les manipulations et les appropriations de la modernité impériale. Chapitre 11. C'est pourquoi, contre les manœuvres des autoritaires, nous défendrons notre liberté d'attention et de soin. J'ai écrit ce livre pour les personnes qui sont prêtes à relier leur travail à ce projet écolibertaire plus large d'une grande réappropriation du pouvoir, de tout type de pouvoir et à tous les niveaux. Ensemble, nous deviendrons peut-être une force plus conséquente, à même de générer des changements sociaux positifs dans cette ère d'effondrement sociétal. Nous incarnons une écologie populaire qui s'oppose à l'agenda issu de la domination des entreprises. Ensemble, nous parviendrons peut-être à élaborer un programme politique applicable à tous les niveaux de gouvernance, du local au mondial, pour contrer les programmes des mondialistes et leur écologie mensongère. Si vous prenez en compte les arguments de ce livre, ce sera comme prendre une pilule verte. En avalant cette pilule, vous découvrirez que le système monétaire moderne est une matrice mortifère qui façonne nos vies, de sorte que nous détruisons collectivement le monde vivant. Si cette pilule est verte, c'est parce qu'elle décrit à la fois notre éveil au monde vivant et le rôle du pouvoir de l'argent dans sa destruction. Mais il y a un autre aspect à cet éveil. Notre culture tout entière, l'ensemble de notre civilisation, dans la mesure où elle est obsédée par le temps et ne vit que pour l'avenir, est folle. Elle n'est pas du tout présente. Nous ne sommes pas éveillés, nous ne sommes pas complètement vivants, vivantes, ici et maintenant. Telles sont les sages paroles d'Alan Watts, qui, jusqu'à sa mort, a enseigné les spiritualités orientales en Occident. De la même manière, E.F. Schumacher suggérait que, je cite, « les problèmes cruciaux de la société industrielle se trouvent dans le cœur et l'âme de chacun, chacune d'entre nous. » Fin de citation. C'est pourquoi la vision évotopique que j'ai suggérée dans ce livre est celle d'un monde où les systèmes dominants ne nous empêchent plus autant de faire l'expérience de nous-mêmes, des autres et de la nature. Il s'agit d'une vision dans laquelle un plus grand nombre d'entre nous seraient à même d'ouvrir leur cœur et leur esprit, les uns les unes, aux autres et à la nature. Ce serait là un monde dans lequel un plus grand nombre d'entre nous se sentirait suffisamment libre et en sécurité pour prendre soin de nous-mêmes, des autres et de la nature. Lorsqu'on aide à promouvoir cela, dans sa propre vie, on rencontre alors l'une des grandes formes de beauté qu'offre la douleur de l'effondrement. Vivons réellement la beauté et la responsabilité d'être un peuple prophétique, a déclaré l'évêque Oscar Romero, avant d'être assassiné par ceux qui travaillaient avec les impérialistes états-uniens. Pour entreprendre ce type de travail, il ne faut pas avoir froid aux yeux. J'ai mentionné Romero à plusieurs reprises dans ce livre, car je pense que nous ferions bien de nous inspirer de l'histoire des luttes anti-impérialistes ancrées dans la foi. Même les penseurs-penseuses et les militants-militantes écologistes les plus radicaux et radicales de l'Occident ont ignoré le fait que les nations économiquement avancées ne réduiront pas volontairement leur destruction du monde naturel ou leur niveau réel de pollution. Par conséquent, si l'on veut agir pour la réduction des dommages à l'échelle mondiale, cela pourrait signifier de soutenir l'anti-impérialisme et le néo-protectionnisme dans le monde majoritaire, ainsi que les luttes politiques dans le monde agricole, de sorte que les coûts de consommation dans les nations et régions plus riches reflètent plus fidèlement les réalités de la production. Cela obligerait alors ces pays et régions plus riches, dont les ressources se trouveraient amoindries, à procéder à une redistribution significative de ces ressources, ce qui produirait une décroissance tangible et plus équitable. Malheureusement, les intellectuels qui travaillent actuellement sur les risques d'effondrement en Occident n'ont pas pour objectif d'éveiller le public mondial à la nécessité et à l'opportunité d'une grande réappropriation de notre pouvoir. Et pour cause, ces personnes quémandent faveur et financement auprès des élites. Pour que nous continuions à danser jusqu'au bout de la nuit, il ne nous suffira pas d'être convaincus par les données scientifiques sur notre situation inextricable, ni d'être éloquents et éloquentes sur ses implications. Cela nécessitera un engagement provenant d'une foi profonde, la foi en la justesse éternelle de vivre en incarnant un amour universel. En effet, le processus de l'effondrement contiendra plus de laideur que de beauté. Il n'est pas possible d'édulcorer ce problème insoluble. Nous avons tout fait foirer de la manière la plus grave qu'une espèce puisse le faire, sans oublier que nous sommes une espèce intelligente par-dessus le marché. Par « nous », j'entends l'être humain moderne, avec ses récits irrationnels sur soi et la réalité. Je ne peux donc pas vous laisser sur une fin optimiste concernant un quelconque salut. Seule une foi plus profonde nous soutiendra peut-être dans les années à venir. Une foi dans laquelle nous ressentons les pouvoirs infinis de la création et la justesse ultime de la réalité, quoi qu'il arrive. L'extinction de l'humanité. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin du monde. Mais quelle époque étrange que la nôtre dans laquelle on peut faire des blagues pareilles. Non pas que je considère inévitable l'extinction de l'humanité à court terme, voir les chapitres 3, 4 et 5. Pour que l'analyse et les idées présentées dans ce livre s'avèrent utiles, à quelque échelle que ce soit, il faudra peut-être qu'on leur fasse une place dans les discussions qui ont lieu au sein des réseaux d'agricultrices, agriculteurs, de coopératives et de petites entreprises dans le monde majoritaire. En effet, ce sont des contextes sociaux dans lesquels les gens ont moins de chemin à parcourir et sont en rapport plus direct avec ce qui doit être cultivé. C'est pourquoi je renonce à mes droits de traduction de ce livre dans d'autres langues pour ce qui est des livres électroniques gratuits. Je suis également tout à fait conscient que les jeunes du monde entier pourraient être mieux aidés à s'organiser autour de ces questions. Pour ce faire, les personnes plus âgées peuvent déjà commencer par arrêter de faire douter les jeunes de leur propre santé mentale. Au contraire, nous pouvons valider ce que de nombreux et nombreuses jeunes pressentent au sujet de leur avenir et les encourager à discuter de moyens créatifs de répondre à ces préoccupations tout en expérimentant avec ces nouvelles pistes. Une idée simple d'encouragement m'est venue le jour de Noël. Mon père savait que c'était le dernier Noël que nous passerions ensemble. Alors son cadeau d'adieu a été un t-shirt avec le texte suivant inscrit sur le devant. Je ne suis pas en train de me disputer avec toi. Je t'explique juste pourquoi j'ai raison. Depuis lors, je ressens une étrange fierté face à la gêne que j'éprouve lorsque les gens que je croise dans la rue regardent mon t-shirt. Je vais fabriquer des t-shirts en son honneur et les donnerai aux jeunes que je connais, afin d'alimenter leur conversation. Je pense que le premier portera l'inscription « Les effondristes savent profiter de la vie ». En effet, ne serait-ce pas source de joie pour les jeunes que de se libérer des habitudes d'une société stupidement autodestructrice que nous avons laissée s'effondrer de toutes parts. Néanmoins, j'espère que les générations futures se souviendront que nous n'étions pas toutes et tous si bêtes. Dans cet esprit de reconnaissance envers nos aînés, je terminerai par les mots employés par E.F. Schumacher pour clore son propre livre, 50 ans avant que je n'écrive celui-ci. Partout, on demande « Que puis-je réellement faire ?» La réponse est aussi simple que déconcertante. Nous pouvons, chacun, chacune d'entre nous, travailler à faire régner l'ordre en nous-mêmes. Les conseils dont nous avons besoin ne peuvent pas nous être fournis par la science ou la technologie, dont la valeur dépend entièrement des fins qu'elles servent. Mais on peut encore les trouver dans la sagesse traditionnelle de l'humanité. Remerciements. Ce livre est le résultat d'un processus complexe d'enquête, de dialogue et de rédaction qui s'est déroulé sur plusieurs années. Je remercie en particulier Papillon, Francis Patrick Smith, Matthew Slater et Simona Weidkote. Pour leur soutien et leurs différents apports, je remercie également Cathy Carr, Jasmine Kieft, Jonathan Layton, Stella Nyamburambau, Björn Steffars, Darinka Montico, Rick Strong, Jonas Friedman, Zori Tomova, Sven de Kausmaker, Atus Marikeo Rissel, Stephen de Mullener, Jan Roderick, Paul Majdowski, Alan Hicks, Stuart Smith, Andrew Maidhurst, Kate Maidhurst, Biryu Pandya, Harry Nessel et Stephen Wright, ainsi que l'équipe du VKRF, notamment Irène Kraroup. Si vous êtes un ou une universitaire, aidez à promouvoir et à développer ces idées et leur application en rejoignant l'initiative Scholars Warning sur www.scholarswarning.net. Pour trouver des initiatives pertinentes dans votre région ou votre domaine d'intérêt, entrez les mots-clés Deep Adaptation ou Adaptation radicale dans votre moteur de recherche. Il existe de nombreux groupes sur de nombreuses plateformes. Les activités caritatives sur ces sujets, telles que les cours gratuits pour les jeunes du monde entier, ont besoin de soutien. Si vous pouvez nous aider, faites un don à l'initiative de recherche et d'éducation Deep Adaptation du Schumacher Institute. https://cafdonate.cafonline.org/20458. Afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à son ouvrage, l'auteur du livre, Jem Bendel, a fait le choix de ne percevoir aucun droit d'auteur sur ce format audio, et la lectrice, Valérie Garcia, a choisi de prêter sa voix pour donner vie à ce livre. Cependant, la création et les aspects techniques de ce format ont nécessité de très nombreuses heures de travail. Aussi, vous êtes chaleureusement invité à contribuer financièrement via le lien en descriptif qui redirige vers la page Hello Asso de l'association Adaptation Radicale France et à diffuser largement cette œuvre autour de vous. Un immense merci à toutes et à tous.